Mel. Oh. Hey. J'ai envie de me barrer. J'ai envie d'être là. J'ai envie de me marier, ouais. J'ai envie d'être seul. J'ai envie d'être sérieux. J'ai envie de faire du sale. J'ai envie de faire beaucoup mieux. Mais je veux rester moi. J'ai envie de te voir, mais seulement quand j'en ai envie. J'ai envie de m'engager, mais je refuse de prendre des risques. J'ai envie de partager, envie d'être égoïste. J'ai envie d'abandonner, mais je veux pas lâcher prise. Je ne suis pas normal, normal. J'ai envie de faire ma vie sans que tu le prennes mal. J'ai envie d'être normal, normal. Pouvoir rester tel que je suis sans que tu le prennes mal. De ne pas perdre la tête. Je suis un peu comme tous les garçons. Tu sais qu'on se cherche. On essaye de toutes les façons. De ne pas perdre la tête. Yeah, je ne suis pas normal. Normal. J'ai envie de faire ma vie sans que tu le prennes.